Sorgia FM. Sorgia. Une émission proposée par Hubert Ledan. À l'eau de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Ah, on est bien, Tintin. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Dansez maintenant. Et bonjour, tiens, bonjour Christophe. Eh bien, bonjour Hubert, je vois que t'es très dynamique aujourd'hui. Je suis à fond. Mais je vois, et bonjour Arlette. Hello. Bonjour. Et oui, de l'accordéon. Oh, un petit savoyard cette semaine. Ah oui, de qui vas-tu nous parler? Jean-Michel Sonnera. Magnifique. Et puis, on va dire bien sûr bonjour à Madame Arlette. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert, bonjour Christophe. Et ça y est, cette fois, l'émission est vraiment commencer danser maintenant. À présent, voici le show. Danser maintenant. Voici le show. On va commencer en douceur cette émission avec un beau morceau, une guitare dans la nuit. Ça rappellera des souvenirs peut-être à Paulette, que je salue. Bisous Paulette. Une guitare joue dans la nuit et l'on entend partout sa mélodie. Une mélodie d'amour que je t'apporte, mais tu n'as pas voulu à la porte. Et ma musique s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Oui, je reviens vers toi, réponds-moi, il n'est pas trop tard. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. S'envole jusqu'à ta chambre. Et toi tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, ô toi que j'aime. Ne repousse pas, donne-moi la chance. guitare. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors, Jean-Michel Sonnera, voilà l'artiste que tu nous proposes cette semaine, Christophe. Oui, un sacré musicien, à la fois habile dans le musette, mais aussi le jazz, l'accompagnement d'artistes. Il va tout de suite nous jouer un morceau qui s'appelle « Mon foxtrot en montagne ». On écoute. Le secret pour voyager dans le temps, on en profite puisqu'elle nous fait découvrir chaque semaine de merveilleux morceaux. Voici Arlette. Si tu le veux bien, Hubert, aujourd'hui nous poursuivons notre petite balade dans le temps. Poursuivons. Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 juin 1954. Naissance officielle de l'Eurovision. Dans toute l'Europe, quelques téléspectateurs privilégiés assistent à la fête des Nazis et des chars fleuris à Montreux, en Suisse. Il faut savoir que 1% seulement des ménages français est équipé de la télévision. Ceux qui, malheureusement, n'ont pas encore ce privilège se déplacent dans les bars ou dans les téléclubs. Pour Jean Darcy, alors directeur des programmes, la télévision doit distraire, divertir, cultiver. Ainsi est née en 1954 La piste aux étoiles de Gilles Margaritis et Pierre Tchernia. Alors que déjà, un premier bulletin météo apparaît à la BBC. Ces Anglais sont vraiment très forts. Et pendant ce temps chez nous, Charles Trenet écrit et chante « Coin de rue », une valse lente, tendre et sentimentale pour ce coin de rue. Je me me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je revois mon coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers, monde neuf, construction ou démolition. Vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu. Je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mon muguet de dessous de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. On continue nos balades, mais cette fois-ci, c'est dans les Aravis, un joli coin. que je vous conseille de venir visiter, Balade aux Aravis, votre serviteur Hubert Ledent et mon ami Christophe Pesset à l'accordéon. Balade aux Aravis, je chante mon pays, les plus beaux paysages s'écrivent et se partagent. Balade aux Aravis, le bonheur m'envahit. Dès que j'ouvre les yeux, je suis heureux. C'est un chalet sous la neige, une forêt qui nous protège et nous fait traverser le temps, de l'hiver au printemps. Une fleur qui nous apaise et sait mettre en parenthèse de son parfum si délicat les ennuis, les tracas. Balade aux Aravis, je chante mon pays, une nature sauvage aux milliers de visages. Balade aux Aravis, la douceur d'une vie, paradis sans pareil qui m'émerveille. C'est une chaîne où se joignent les fiers sommets, les montagnes, aux noms parfois mystérieux qui viennent d'autres cieux. Des sapins qui s'entremêlent et qui soudain nous révèle un prévert parsemé de fleurs aux milliers de couleurs. Balade aux Aravis, je chante mon pays, les plus beaux paysages s'écrivent et se partagent. Balade aux Aravis, le bonheur m'envahit. Et que j'ouvre les yeux, je suis heureux. Le bonheur, c'est la vie aux Aravis. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Annie Cordy, toujours aussi pétillante, fait bouger la France avec Fleur de Papillon. Annie Cordy. Au milieu de la surprise partie, sans prévenir, grand-père est parti. Mais il est revenu tout aussitôt avec un vieux phono, boum, boum, boum, et un superbe rouleau à musique qu'il a posé sur la mécanique en nous disant: écoutez mes agneaux, écoutez comme c'est beau. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, dites une voix dans le papa, dans le pavillon. Jolie fleur de papa, la voix semblait très émue, elle ne dira pas, oupa, oupa, et n'en dit pas plus. Comme il n'y a pas de saut métier, plus tard je me mis à composer. Pour réussir, je me décarcassais sans trouver le succès. Quand un matin, Julie débouffonne de brancher sur un magnétophone le pavillon du fond notre grand-papa et l'on enregistra. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, un éditeur me rapa, m'offrit 1 million. De ma fleur de papa, qui devint un succès fou, on l'entendit papa, l'entendit partout. Le triomphe de cette œuvre hermétique fit se parmi nos plus grands critiques. Jusqu'à Saint-Tropez, on la trouva sans sas, du tonnerre et j'en passe. sachez qu'il est question, mes amis, que l'on reçoive à l'académie. En attendant, si vous avez de la voix, chantez tous avec moi. Jolie fleur de pape, pape, jolie fleur de papillon, comme la boîte dans le pape, pape, dans le pavillon. Jolie fleur de pape, pape, jolie fleur de papillon, avec un petit pape, pape, pour le cotillon. Ne résistez pas, pape, pape, entrez dans le tourbillon. Comme ma fleur de fleur de papillon. Sorgia FM, Sorgia. Thank you. Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Je veux du Jean-Jean, je veux du Mimi, je veux du Jean-Mi. Eh bien, moi, je vous propose un papasso, sur la Rambla de Barcelone, composition de Marc Provence, Michel Pruvot, Jean-Michel Sonnera et Stéphane Courtaud-Renaud. Rien que ça. Les grandes villes, on s'y sent tous étrangers.

jour on vivra deux, un amour merveilleux. Quand je verrai briller tout un ciel étoilé dans la nuit de tes yeux, tout un ciel étoilé dans la nuit de tes yeux. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Moi, Jean-Michel Sonnera, je ne m'en lasse pas. Un dernier titre, ça me plairait, moi. Eh bien, avec grand plaisir, un hommage à Maurice Larchange, qui a été eh bien, son professeur pendant un bon nombre d'années. Il faut rappeler que Jean-Michel Sonnera faisait partie des petits prodiges. Il a même été capitaine de promotion. Ah oui. Tout de suite, la valse à Momo. C'est la valse à Momo. Elle n'a pas son pareil pour venir s'accrocher au creux de l'oreille. On s'en valse avec elle sur tous ses trémolos, sur la piste éternelle d'un petit bar rétro. Si le public est là pour venir applaudir, c'est qu'il prend toujours autant de plaisir dans la valse à Momo. Elle n'a pas disparu, elle chante toujours au coin de ma rue. C'est la valse à Momo. Elle n'a pas son pareil pour venir s'accrocher au creux de l'oreille. On s'en valse avec elle sous tous ses trémolos, sur la piste éternelle d'un petit bar rétro. Elle inspire tour à tour musicien et poète. Elle fait swinguer la petite chansonnette. Elle réunit tous les amoureux du musette, ceux qui portent par amour sa casquette. C'est la valse à Momo, elle est comme une amie, toujours là quand il faut pour faire danser la vie. Elle tourne encore, sans jamais s'essouffler, simplement sans effort, pour toujours à jamais. La la la la. La valse à Momo, elle n'a pas son pareil pour venir s'accrocher au creux de l'oreille. Quand elle joue sur la scène, sous les lumières d'en haut, elle nous prend, nous entraîne, et tout devient plus beau. Si le public est là pour venir l'applaudir, c'est qu'il prend toujours autant de plaisir. Dans la valse à Momo, elle n'a pas disparu, elle chante toujours au coin de ma rue. Au coin de ma rue. Au coin de ma rue. Depuis 3 ans, ayant fait le projet, traverser l'Atlantique, nos aviateurs, confiants dans leur progrès, ont quitté le Bourget. Et profitant d'un dimanche au printemps, dans l'espace ils s'élancent, tous deux montés sur un bel oiseau blanc pour vaincre l'océan. Ils sont partis tous les deux à travers les cieux, le sourire aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps que la brise soulève. Et dans l'espoir d'arriver, se sont envolés d'un geste suprême, bravant la mort, le danger qui les guette. Que nos gars sont partis dans la vive lumière. Sont-ils vivants ou peut-être engloutis dans l'océan maudit? De toutes parts on entend annoncer une vive nouvelle. Qui dira que nos gars sont arrivés, qu'on les a retrouvés? Ils sont partis tous les deux à travers les cieux, le sourire aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps. brise soulève. Et dans l'espoir d'arriver, se sont envolés d'un geste suprême, bravant la mort, le danger qui les guette. Combien d'efforts sont ainsi dépensés pour retrouver les nôtres? Combien de jours et de nuits angoissés dans tout le monde entier? Mais cependant, rester seul à Paris, une pauvre mère qui n'oublie pas que son cher petit, en partant, lui a dit: je pars sur mon bel oiseau blanc, t'inquiète pas maman, je reviendrai vite, car c'est pour notre industrie que je vole de Paris vers la grande Amérique. Faut pas te désespérer, rien ne peut m'arriver au-delà des frontières. J'emporte en moi les baisers de ma mère. On peut le dire, on est heureux et on le prouve en écoutant ce morceau maintenant, une balade, la balade des gens heureux, interprétée ici par Monsieur Bernard Marly à l'accordéon. Vous allez voir, c'est juste fantastique. On écoute. Thank you. Allez, deux duos avec Adamo, le premier avec Raphaël et puis après avec Benabar, le ruisseau de mon enfance. Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau. Du temps où coulait ma chance au fil de ton eau. Parle-moi des doux délires de mes tendres années. Les bleuets qui les fleurirent sont-ils à jamais fanés? Parle-moi de ces dimanches où je venais te confier en timide voile blanche mes rêves de papier. Parle-moi tant que j'y pense de mon premier amour. Il était toute innocence. A-t-il duré toujours? Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau. Du temps où coulait ma chance au fil de ton eau. Coule, coule mon enfance au fil du souvenir. C'est un jeu perdu d'avance que de la retenir. Car le vent de l'insouciance un jour lâcha ma main. Je vins pleurer en silence. Les larmes tu devins. Chant de rose, chant de ronce que j'avais traversé. Je viens chercher réponse. Qui de vous m'a blessé? Au fil de ton eau. Je suis tombé le nez dans un rêve. C'est la faute au ruisseau. Cœur meurtri, je m'en relève. C'est la faute à son. Bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vauriens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Jeune homme, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme nous l'étions à votre âge. Exactement. Juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir, ajustez leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Voyons, voyons. Et bien qu'il me sourie, Moi je sens bien qu'il se méfie. Peu. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme nous l'étions à votre âge. Ben pareil. Juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Oui, et d'ailleurs, vous permettez, monsieur, de quoi ? Que j'emprunte votre mère. Attends, que, quelles sont vos intentions ? Et si j'ai l'heure de lui plaire ? Attention, c'est une sainte, hein. Je serai bien votre beau-père. Dans une situation, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Hubert Ledon. Je vous propose de danser un joli slow. Allez, ça, ça rappelle des souvenirs. Monia, version Alain Morisot et les Sweet People. C'est maintenant sur Sergia FM, Hubert Ledon. On va rendre les clés de la radio, mais on vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine. Même station, même heure. Merci pour votre fidélité. Merci à Arlette. Merci à Christophe. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Sorgia FM. Sorgia FM.